Jean-Pierre Veil. Les aventuriers, c'est maintenant. Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour Pierre. L'actualité scientifique est d'abord des chercheurs portugais ont découvert qu'il y a des pères indignes chez des poissons. Oui, et ça s'appelle l'effet femme fatale. Des poissons couveurs mâles abandonnent les œufs lorsqu'une femelle plus attractive que leur partenaire passe dans le coin. You had plenty money, 1922. Certaines femmes peuvent perdre la tête pour un homme et certains hommes ne sont plus les mêmes devant une femme fatale. Et bien pour certains poissons, c'est pareil. Des chercheurs de l'université de Porto au Portugal s'intéressent aux syniates de lagune, des sortes d'hippocampes. Chez cette espèce, les femelles confient les œufs aux mâles qui les fertilisent et les gardent jusqu'à l'éclosion qui a lieu au bout de 4 semaines. Mais, si ces mâles rencontrent une femelle qui leur plaît plus, ils se débarrassent des œufs qu'ils sont en train de couver, si on peut dire. Ces petits poissons vivent dans les herbiers marins de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et comment sont ces femelles fatales, noires et blanches, et surtout, selon les chercheurs, plus grandes que la moyenne. Fabienne, on passe de la mer aux airs avec des drones capables de voler éternellement. Et on n'a pas fini, Pierre, d'entendre parler des drones. Les militaires américains sont en train de mettre au point un drone capable de voler sans jamais atterrir. Un faisceau laser pourra le recharger en plein vol. Le concept est en phase de test. Le drone fonctionne avec des panneaux solaires fixés sur ses ailes et des batteries. Des tirs laser en direction des panneaux permettraient au drone de voler indéfiniment. Seule la fumée, le brouillard ou la pluie pourraient rendre les tirs moins puissants. Ces appareils seraient en mesure d'être rechargés, même à plus de 10 km de distance. Les drones pourraient ainsi voler pendant des semaines avec des applications militaires, mais aussi commerciales. Une autre application du laser nous propulsait à 60 000 km seconde. Et cela nous permettrait d'envisager la visite de planètes à l'extérieur du système solaire. Et c'est très très excitant. La planète la plus proche de nous, hors du système solaire, s'appelle Proxima B. Elle est à 4,25 années-lumière de la Terre, soit à 40 000 milliards de kilomètres. Il est impossible d'atteindre Proxima B avec nos fusées actuelles, cela prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps. Une nouvelle technique de propulsion pourrait permettre à un vaisseau de voyager à 20% de la vitesse de la lumière. On pourrait ainsi atteindre Proxima B en seulement 20 ans. Des chercheurs de l'Institut de technologie de Californie proposent un système de voiles très grandes et très fines, composées entre autres de silice, qui serait accéléré depuis la Terre par laser. Un mini-vaisseau équipé de caméras et d'instruments pourrait alors être capable de voyager dans l'espace à plus de 60 000 km par seconde. Une nouvelle ère de l'exploration spatiale est en train de voir le jour. Voilà, avec un extrait de Retour vers le futur, Fabienne. Et pour terminer, vous allez nous dire ce qui contient le plus de germes dans les aéroports. Des chercheurs ont étudié l'aéroport d'Helsinki en Finlande et ce n'est pas très ragoûtant. Quelles sont les surfaces les plus susceptibles de contenir des germes dans les aéroports? Pour pouvoir lutter contre la propagation des maladies infectieuses, des chercheurs finlandais ont testé, au sein de l'aéroport d'Helsinki, 90 surfaces. Et ils ont découvert que 10% contenaient au moins un virus respiratoire. Ce sont les plateaux en plastique dans lesquels on dépose ses affaires à la sécurité qui sont les plus contaminés. Les virus de la grippe ou du rhume s'y plaisent particulièrement. Des chercheurs ont aussi découvert que ces bacs en plastique ne sont quasiment jamais désinfectés, contrairement aux toilettes qui, d'après la même étude, contiennent finalement très peu de germes. Après le passage à la sécurité, on n'oublie pas de se laver les mains. Lave tes mains, enlève la saleté. Les aventuriers, Fabienne Chauvière a réécouté sur le 6-9 du week-end de franceinter.fr.